Section 109 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e. Section 109. Printemps, par Armand Sylvestre. Voici que l'on revêt l'habit des renouveaux. Ondulant comme un flot léger frangé d'écume, flotte sur les gazons le voile de la brume, de blanches visions emplissant nos cerveaux. Voici que l'on revêt l'habit des renouveaux. Le sang subtil des fleurs a frémi sous la terre. L'âme douce des fleurs est lasse de sommeil, et les cieux attiédis, dans un baiser vermeil, des rajeunissements évoquent le mystère. Le sang subtil des fleurs a frémi sous la terre. La gaieté du jour luit dans l'œil clair des ruisseaux, dont la brise a fondu la paupière de glace. Un frisson de verdure insensible s'enlace aux méandres que font les jeunes arbrisseaux. La gaieté du jour luit dans l'œil clair des ruisseaux. Souris, œil du ruisseau, souris, bouche des roses, le printemps, dans son vol puissant et gracieux, d'un seul coup de son aile a balayé des cieux, comme un souffle maudit, l'ombre des jours moroses. Souris, œil des ruisseaux, souris, bouche des roses. Fin de la section 109.